avez envie de dire pourquoi vous êtes là? Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que ça fait un an que je suis gilet jaune, ça fait un an que j'ai entamé ce mouvement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on ne se bat pas uniquement pour les retraites. Au jour d'aujourd'hui, si on se bat, c'est également pour le pouvoir d'achat des Français, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les SDF dans les rues, alors que Macron avait promis qu'en 2019, il n'y aurait plus aucun SDF à la rue, les personnes qui se retrouvent expulsées de leur logement parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer leur loyer, les personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir correctement, les retraités qui ont cotisé toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont même plus les moyens de se nourrir, qui sont obligés d'aller au Secours Populaire ou au Resto du Cœur pour pouvoir avoir des colis alimentaires, je trouve ça indigne. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. Ça fait des années qu'on se fait bouffer par le gouvernement, ça fait des années qu'ils s'enrichissent sur notre dos, ça fait des années qu'ils nous pompent toute notre pognon. Donc maintenant, c'est plus possible, on va plus se laisser faire, on va sortir dans les rues, on va envahir les rues, on fera ce qu'il faut, mais on arrivera à nos fins. Et aujourd'hui, l'argent, on va le récupérer, on va récupérer de quoi vivre dignement. Aujourd'hui, si on est dans les rues, c'est pas pour tout casser, c'est pas pour emmerder les gens, c'est pas pour emmerder la population, c'est pour pouvoir vivre dignement. C'est tout ce que les Français demandent, c'est de vivre de leur salaire, c'est de vivre dignement, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger. Voilà. Merci. Ton prénom, c'est quoi ? Myriam. Merci Myriam. Bonne manif à toi. Merci.